En Corée du Sud, selon la CBS du 25 juillet, le milieu du christianisme affirme catégoriquement l'établissement du système de paix dans la péninsule coréenne en condamnant les démarches des Américains et des autorités pour la disposition du SAD. La solidarité des chrétiens pour la paix et la réunification a organisé un séminaire parlementaire en vue de dévoiler l'injustice du déploiement du SAD, alors que le Conseil des jeunes chrétiens a tenu une conférence pour dénoncer la dangerosité de la disposition du système antimissile américain contre la paix dans la péninsule coréenne. Par ailleurs, le Comité pour la réconciliation et la réunification du Conseil de l'Église chrétienne explique depuis le 18 courant dans les rues des États-Unis la nécessité de la conclusion de l'accord de paix et appelle la solidarité des Églises.